Merci d'écouter nos programmes. Voici Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. C'est ça qui frappe le plus quand on arrive en Iran pour la première fois, c'est la fierté de n'importe quel Iranien de parler de leur passé prestigieux. Cette semaine, retour en Iran. C'est à la fois une puissance politique, culturelle, littéraire, qui a façonné quelque part la région. Actualité et civilisation, la mosaïque d'un pays. Depuis la révolution islamique de 1979, il y a effectivement une lutte au couteau entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour le leadership du monde musulman. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les chiites sont formés à pratiquer ce qu'on appelle interprétation, ce qui s'appelle en arabe ijtihad. Il y a un sentiment en Iran que l'Occident n'a absolument aucune légitimité à dire à l'Iran ce qu'il doit faire sur son programme nucléaire. Pas de documentaire prévu en fin de semaine dans la case Histoire vivante, l'occasion pour nous de nous replonger dans quelques enregistrements passés afin de les entendre à nouveau. Cette semaine, il est donc question d'histoire, de géopolitique, de religion au sein des monarchies du Golfe et des deux grandes puissances régionales, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Nous commencerons par un premier entretien enregistré en 2012 auprès de la chercheuse Laurence Louer. Est-ce que je peux vous demander tout d'abord de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Alors, Laurence Louer, chargée de recherche à Sciences Po, au CERI et au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient et plus particulièrement des monarchies du Golfe, de la question chiite, mais aussi des questions de politique sociale et de politique de l'emploi. Êtes-vous une toute petite communauté de chercheurs qui travaillez sur ces monarchies qui sont des petits endroits géopolitiques bien à part, si j'ose dire? Alors, nous ne sommes pas une petite communauté de chercheurs. Nous sommes une communauté de chercheurs qui grandit de plus en plus à fur et à mesure, en fait, que l'importance de ces pays grandit sur le plan économique, sur le plan diplomatique aussi. Non, on n'est pas une petite communauté de chercheurs. Beaucoup de gens s'intéressent à leur manière, ces pays-là émergent. Tout à fait. Depuis les années 70, bien sûr, le choc pétrolier, hein, eux appellent ça le boom, nous on appelle ça le choc. Et puis les années 2000, donc de nouveau avec la hausse des prix du pétrole, ont permis à ces pays de jouer un rôle sur le plan économique très important, mais aussi sur le plan diplomatique, puisque ce qui est nouveau, c'est qu'on voit certains d'entre eux vouloir jouer un rôle sur la scène diplomatique, c'est le Qatar, l'Arabie Saoudite en particulier. Et pour vous, Laurence Louer, quand vous choisissez, peut-être, de vous intéresser à ce sujet-là. Quel est l'objet qui vous attire en priorité? Alors, moi, je travaille depuis une dizaine d'années. J'ai commencé par m'intéresser à la question chiite dans les monarchies du Golfe, qui était une question qui n'était pas du tout connue, alors même que c'est une question très, très importante, au moins dans trois pays, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Mal connue en France? Non, mal connue en général. En général. C'était un aspect, on va dire, de l'organisation de ces sociétés, mais aussi un aspect politique, puisqu'il y a des mouvements islamistes chiites qui sont très actifs depuis les années 1970, qui n'étaient pas connus. Il n'y avait rien qui avait été écrit sur ces questions, que ce soit en anglais, en français, et même en arabe. Et donc, ça a été la première chose qui m'a intéressée. Et puis, en faisant cette recherche donc sur les mouvements islamistes chiites, je me suis aperçue que la question sociale, la question de la redistribution des richesses et la question de la difficulté qu'éprouvent certains de ces pays à poursuivre finalement dans cette redistribution très généreuse est devenue une question très très importante à étudier, parce que dans l'avenir, la question de la répartition des richesses, la question de la répartition des richesses par l'intermédiaire de l'emploi public en particulier, est une question centrale. Est-ce que ces petits pays qui constituent les monarchies se ressemblent les uns les autres, ont de grandes différences, et quelles sont des grandes lignes de ressemblance et les points de différence? Oui, il y a des grandes ressemblances. C'est vrai, d'ailleurs, c'est pour ça souvent qu'on les analyse ensemble, parce qu'il y a une culture partagée, une manière de parler l'arabe, donc des dialectes de l'arabe, une manière de s'habiller, une même structure de politique économique, on va dire, donc une dépendance vis-à-vis du pétrole, mais aussi du gaz, hein, pour le Qatar, c'est le gaz plus que le pétrole, des mêmes politique sociale, donc de redistribution très généreuse de la rente, basée donc sur l'emploi public qui était quasiment garanti pour les diplômés jusqu'à il y a encore quelques années. Donc une segmentation très forte du marché du travail qui est vraiment le résultat de politiques publiques de l'emploi entre d'un côté donc des nationaux qui travaillent dans le secteur public principalement et puis des expatriés qui travaillent principalement dans le secteur privé. Donc oui, il y a de très très fortes ressemblances entre ces pays. En même temps, quand on regarde dans le détail, on voit des très fortes divergences, hein, des histoires. Ce sont toujours les détails. Bien sûr. Hein, donc il y a des histoires différentes, hein, très très différentes même d'un pays à l'autre, des histoires de formation d'États différentes. Certains États, comme l'Arabie, comme le Bahreïn, s'étant formés par la conquête militaire. D'autres États, comme le Koweït par exemple, s'étant fondés par l'agrégation progressive de groupes sociaux en provenance de différentes parties du Moyen-Orient pour fonder un port de commerce, ce qui explique aussi une certaine manière différente de régler les conflits dans la société koweïtienne. Et puis des histoires politiques différentes, un rapport aux politiques différents des États comme le Bahreïn, comme le Koweït, où il y a des parlements depuis assez longtemps. Hein, au Koweït, depuis les années 1920, il y a une assemblée, un vrai parlement, enfin un parlement avec des pouvoirs quand même assez étendus depuis les années 60. Au Bahreïn, depuis les années 70, aussi un parlement, des partis politiques dans ces deux pays très actifs, un débat public très très important, en particulier si on compare au Moyen-Orient, aux autres pays du Moyen-Orient. Et puis d'autres pays comme le Qatar, comme les Émirats Arabes Unis, où là on voit le règne, on va dire, sans partage et sans contestation très visible de dynasties qui n'éprouvent apparemment pas le besoin de faire participer leur population à la décision publique. En général, vous reconnaîtrez que ça vient rarement de ce côté-là, mais de l'autre côté, est-ce que précisément et à la fois à l'aune de ce qu'on a appelé, enfin disons, n'appelons plus ça les printemps arabes et les révolutions, et les autres manières de faire de la politique, est-ce que ça a pu, récemment ou par le passé, influencer des populations qui pouvaient être placées sous un joug un peu plus ferme, comme vous l'indiquiez? Est-ce qu'il y a eu des mouvements, notamment qui ont pu être réprimés? Nous parlerons du Bahreïn un peu plus tard dans l'entretien. Alors oui, dans le cadre du printemps arabe, évidemment, les pays du Golfe, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'ont pas été épargnés. Ce qui est très significatif, c'est que les pays dans lesquels il y a eu un impact très direct, c'est-à-dire des manifestations avec des revendications politiques et socio-économiques, sont les trois pays qui sont les moins riches per capita. C'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et Oman. Donc les pays où la politique de redistribution de la rente pétrolière, qui est un des piliers de la légitimité de ces régimes, peine, si vous voulez, à perdurer, tandis que les trois autres pays, hein, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et le Koweït, qui sont encore des pays très riches per capita, le Qatar est le pays le plus riche du monde per capita d'après les classements du FMI et de la Banque mondiale, où on a vu rien du tout, comme au Qatar, ou alors très très peu de choses, des contestations très limitées aux Émirats Arabes Unis, par exemple. Pour des questions de culture, puisqu'on parlait de la culture de la contestation, est-ce que vous verriez la culture de la contestation là-dedans jouer un rôle, ou l'absence de culture? Elle joue un rôle au Bahreïn, très clairement. Hein, au Bahreïn, c'est pas seulement une culture de contestation, c'est un conflit politique ancien, très très compliqué aussi à analyser, qui là a ressurgi de manière tout à fait logique et tout à fait attendue d'ailleurs, hein, ça n'a surpris personne, à la faveur du printemps arabe. Non, je dirais qu'en Arabie Saoudite et à Oman, on a vu les acteurs se mobiliser sur des revendications politiques, mais beaucoup sur des revendications socio-économiques. Donc critiquant la corruption des dirigeants, critiquant l'incapacité des régimes à garantir un emploi à tous, et notamment aux jeunes arrivants sur le marché du travail, incapables de respecter ses engagements en termes de politique du logement. Donc finalement, les États qui ont connu des mouvements de contestation importants et déstabilisants, ce sont les États qui peinent à maintenir leur légitimité sociale. Thank you. Un peu d'histoire, s'il vous plaît, Laurence Louer. Racontez-nous comment l'indépendance de ces États va se faire, notamment vis-à-vis de la couronne britannique. Une question aussi, et pardonnez la naïveté de la question, ce sont des monarchies, des pétromonarchies. Mais qu'est-ce qui a fait dans l'histoire que telle ou telle famille a réussi à mettre la main et après à pratiquer une politique, pour certains en tout cas, de redistribution? Alors, ces pouvoirs sont nés... Alors, ont des histoires, en fait, assez différentes, hein, parfois, les uns des autres. Vous avez le cas extrême étant l'Oman, par exemple, qui est un ancien empire maritime qui s'étendait en Inde, en Afrique, qui est une histoire ancienne, si vous voulez. Ensuite, vous avez donc l'Arabie Saoudite qui s'est constituée progressivement à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle par l'effort de la famille El Saoud, donc qui dirige aujourd'hui ce pays, pour unifier la péninsule arabique sous sa domination. Avec quelques guerres intratribales assez... Okay. Donc c'est une histoire de conquête militaire. C'est une entreprise de conquête militaire légitimée par cette idéologie religieuse qu'on appelle le wahhabisme, hein, donc qui est issu des enseignements de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, donc qui était un réformateur musulman du XVIIIe siècle, et dont les idées ont été adoptées par les El Saoud, et qui ont légitimé donc leur entreprise de conquête par la volonté de rétablir la bonne version de l'islam contre les pratiques à leurs yeux distordues, si vous voulez, les pratiques religieuses des bédouins de la péninsule arabique qui à leurs yeux n'étaient pas les bonnes, hein, qui étaient déviantes. La version du 18e. Voilà, tout à fait. Et puis donc vous avez le Bahreïn aussi qui est aussi issu d'une conquête militaire, hein, puisque les Al Khalifa, donc la dynastie régnante actuellement, a conquis l'archipel à la fin du 18e siècle, et c'est un processus de formation de l'État qui a des résonances jusqu'à aujourd'hui, puisque la population chiite du Bahreïn, qui est aujourd'hui majoritaire, considère que avant l'arrivée des Al Khalifa et avant cette conquête militaire, il n'y avait pas de sunnites au Bahreïn et que les sunnites sont des conquérants qui se sont imposés manu militari à la population chiite et qu'ils sont pour cela illégitimes, si vous voulez. Et puis, vous avez un pays comme le Koweït qui s'est formé à partir du XVIIe siècle, très probablement, hein, mais on a très peu de sources aussi qui nous renseignent sur l'histoire de ces pays, par la réunion progressive de familles, de morceaux de tribus en provenance du centre de la péninsule arabique, en provenance d'Iran, en provenance d'Irak, qui se sont rassemblés dans un petit port de pêche qui a rapidement prospéré grâce au commerce des perles, puis après, évidemment, dans les années 40, la découverte du pétrole, et où il n'y a jamais eu de guerre, si vous voulez, ou de conflit très violent entre les membres, enfin, au sein de cette société, si vous voulez, les conflits ayant opposé cette société à des agressions extérieures saoudiennes en particulier. Puis donc, un élément fondamental pour expliquer la persistance jusqu'à aujourd'hui, la survie jusqu'à aujourd'hui des petites monarchies du Golfe, c'est les pactes qui ont été passés avec les Britanniques à la fin, en général dans la deuxième moitié du 19e siècle. Alors, les motivations des Britanniques pour passer ces pactes et les imposer, hein, parfois, étaient de pacifier la route des Indes, hein, la route maritime des Indes, qui était rendue instable par des actes de piraterie, en fait, hein, qui était pratiquée par certaines tribus arabes des bords du Golfe qui arraisonnaient les bateaux marchands britanniques. Donc ça a été la première motivation. Et puis pour ces pouvoirs, ça a été une manière finalement de survivre dans un environnement somme toute assez instable. Donc les pactes avec les Britanniques les ont protégés, en fait, hein, des tentatives de renversement d'autres tribus, aussi de l'entreprise hégémonique saoudienne, si vous voulez, l'Arabie saoudite ayant tenté d'absorber le Koweït, le Bahreïn, à différents moments aussi. Mais pardonnez-moi, protégé de quelle manière? Ça veut dire qu'il y avait encore une présence britannique, militaire, qui leur assurait cette protection? Bien sûr. Oh. Par exemple, au Koweït, il y a un fameux épisode qui est la bataille de Jahra, qui est devenu un mythe national. Il est tellement fameux que vous allez nous le rappeler un petit voilà. peu quand même. Alors voilà, donc c'est la bataille de Jahra a eu lieu donc en 1920, et c'est une bataille qui a opposé les Koweïtiens aux Saoudiens, hein, qui voulait donc envahir le Koweït et annexer le Koweït à l'Arabie Saoudite, qui n'existait pas alors encore officiellement, puisqu'elle existe seulement depuis 1932. Et donc, les Koweïtiens donc, ont affronté les troupes saoudiennes dans cette ville de Jahra, mais ils ont été appuyés par l'aviation britannique, bien sûr, qui a été déterminante pour repousser les agresseurs, si vous voulez. Hein, donc, c'est une protection militaire contre des tentatives d'annexion de ces petits pays qui, quand même, aux yeux des Saoudiens jusqu'à aujourd'hui, restent quand même des anomalies, si vous voulez, hein, des espèces d'enclaves qui auraient dû, normalement, à leurs yeux, être absorbées dans le processus de formation de l'État saoudien. Je ne peux pas imaginer, Laurence Louer, que vous ne vous soyez pas penchée également sur la politique britannique à cette occasion-là. Est-ce qu'elle est toute de cohérence, c'est-à-dire strictement et avant tout la protection de la route maritime des Indes, ou se trouve-t-il parfois des difficultés de terrain? Il faut protéger deux émirats, mais qui anciennement, ou qui vont s'appeler émirats, mais qui anciennement étaient plutôt ennemis l'un de l'autre. Alors est-ce que ça fait partie des choses qui diplomatiquement vont parfois être un peu complexes, voire paradoxales? Oui, alors ça a été complexe, mais ils en sont très bien sortis, hein, d'une manière générale. On leur fait confiance. Voilà, et donc ils ont, en fait, ces protectorats impliquaient que les émirats, donc les émirs régnants, acceptaient de remettre leur politique étrangère entre les mains des Britanniques. Donc ce qui voulait dire qu'évidemment, ils s'abstenaient d'agresser leurs voisins, qui étaient aussi protégés par les Britanniques. Donc en effet... Ça s'obtient comment, ça? Ça s'obtient par des garanties en termes de protection, avant tout, finalement, les Britanniques ont bien fait comprendre à ces petits émirs que la protection britannique était pour eux la meilleure garantie de rester au pouvoir, parce que les Britanniques les protégeaient contre leurs rivaux. Et donc, à partir du moment où ils ont pu, pays par pays, obtenir cela, la chose était réglée, c'est ça? Oui. C'est quelque chose qui s'est fait, on va dire... relativement facilement. Enfin, facilement. Au début, ça a été notamment dans le cas des Émirats Arabes Unis, de ce qui est aujourd'hui les Émirats Arabes Unis. Ça s'est fait par la coercition militaire, puisque c'était au sein de dans ces émirats que résidaient les pirates, qui n'étaient autres en fait que les ancêtres des familles régnantes aujourd'hui, si vous voulez. Donc, ça consistait au départ pour la marine britannique tout simplement à détruire la flotte de ces pirates, et puis donc ensuite à leur imposer des pactes de protection. Mais dans le cas, par exemple, du Koweït, c'est à la toute fin du 19e siècle, l'émir qui avait assassiné ses deux frères qui prétendaient aussi au trône, qui a sollicité la protection britannique pour se protéger des représailles des alliés de ses frères qu'il avait fait assassiner, si vous voulez. Donc, voilà, il y a des histoires différentes, mais c'est pour bien vous montrer qu'à un certain moment, il y a quand même eu un consensus au sein de donc ces petites monarchies du Golfe, surtout face à l'entreprise hégémonique saoudienne, hein, qui était juste à leur porte, que finalement, le protectorat britannique, c'était un pacte de protection essentiel pour eux. Restons encore dans l'histoire, Laurence Louer, puisque vous avez prononcé le mot de source, quelle est la difficulté pour une chercheuse? Sur quoi tombe-t-on? Quelles sont les choses qui manquent vraiment très cruellement pour arriver à reconstituer l'archéologie de tout ça? Alors, bon, moi je ne travaille pas sur l'histoire, mais j'ai été confrontée à de la difficulté pour travailler sur le contemporain. On doit comprendre l'histoire à un moment, parce que l'histoire continue à avoir des influences, explique certaines organisations sociales contemporaines. L'histoire résonne. Tout à fait, comme vous le dites. Et donc, les sources sur l'histoire de ces pays sont manquantes. On a des sources, finalement, à partir de beaucoup du 19e siècle, c'est-à-dire pas, au moment de l'arrivée des Britanniques, qui ont noté énormément de choses. Donc, les archives britanniques sont des sources extrêmement précieuses. Si on veut remonter plus loin, c'est difficile, et très très difficile. Donc on doit s'appuyer sur des récits de voyageurs occidentaux et puis arabes, parfois sur des dictionnaires biographiques. Il faudrait pouvoir faire de l'archéologie, mais c'est compliqué parce que c'est chargé d'enjeux politiques, si vous voulez. Donc en Arabie Saoudite... C'est souvent le cas en archéologie. Hein. Tout à fait. Donc voilà, par exemple à Bahreïn, il est devenu très difficile aujourd'hui de faire de l'archéologie sur les anciens sites islamiques, parce que ça, les fouilles très probablement viendraient à l'appui des thèses des chiites que le chiisme est un phénomène anciennement implanté au Bahreïn et que le sunnisme est beaucoup plus récent, si vous voulez. Donc certains sites archéologiques sont aujourd'hui interdits d'accès. Qu'en a-t-il été de la séparation avec les Britanniques, Laurence Louer? Est-ce que c'est une séparation qui est vécue du côté britannique comme un échec? Alors pas du tout. Le départ des Britanniques, alors le Koweït est indépendant en 1961, c'est un départ des Britanniques qui était tout à fait négocié. Les autres petites monarchies sont indépendantes depuis 1971. L'indépendance est le résultat d'une décision unilatérale des Britanniques et pas du tout de lutte d'indépendance. Donc on n'est pas dans le schéma de la Tunisie. Colonie ou autre. D'accord. Dans le schéma colonial classique où les indépendances ont été obtenues à la suite de luttes d'indépendance. Absolument pas. Pour des raisons budgétaires, suite à un changement de majorité politique en Grande-Bretagne, avec l'arrivée des travaillistes au pouvoir, qui ont décidé qu'il n'était plus budgétairement intéressant de maintenir une présence. Ah oui, ce n'est même pas idéologique ou non, politique. Absolument pas. Absolument pas. Donc, il n'était plus intéressant de maintenir une présence militaire, notamment parce que c'était une présence militaire hein, et administrative britannique dans le Golfe. Et donc, ils ont annoncé en 1968 qu'ils allaient se retirer en 1971. Donc, laissant et accompagnant aussi l'accès à l'indépendance de ces monarchies qui se sont réorganisées. Donc, il y a eu des tractations, les différents émirats qui constituent aussi aujourd'hui, la Fédération des Émirats Arabes Unis donc, ont finalement donc décidé de se constituer en fédération. Le Qatar et le Bahreïn auraient logiquement dû faire partie aussi de cette fédération, mais pour des raisons de rivalité entre eux, eh bien, ont décidé d'être des États indépendants. Donc ça s'est passé dans le consensus, on va dire, mais ça a suscité aussi des inquiétudes hein, dans ces petites monarchies, puisque elles ont eu peur que leur accès à l'indépendance soit contesté par les grandes puissances régionales, l'Iran mais l'Arabie Saoudite aussi, qui, elles le craignaient, auraient pu essayer de les annexer hein, à la faveur du départ des Britanniques. N'était-ce que pure appréhension ? Oui, ça ne s'est pas passé. Bien qu'il y ait eu une revendication de l'Iran sur le Bahreïn hein, en 1971, hein, donc le Bahreïn ayant été ancienne province, une province hein, pendant 200 ans de son histoire à peu près, une province de l'Iran. La 14e, si la 14e, bien en voilà. Effet, voilà la 14e province de l'Iran. Mais cette histoire a été en fait, elle est montée en épingle aujourd'hui, mais elle a été très très rapidement résolue lorsque l'ONU a mené une consultation dans le pays, donc au Bahreïn, qui a montré que les majorités des Bahreïniens étaient favorables à une indépendance nationale, ne souhaitaient pas être rattachés à l'Iran, ce qui a amené le Shah d'Iran tout de suite à renoncer à ses prétentions sur le Bahreïn. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu, dès le départ, après le départ britannique, une gestion politique intérieure assez logique? Est-ce qu'on passe par une période d'instabilité, fin des années 60, début des années 70? Non, il n'y a pas eu de période d'instabilité au moment du départ des Britanniques, parce que ça s'est rapidement enchaîné en fait avec le boom pétrolier, donc nous ce qu'on appelle le choc pétrolier de 73-74, donc il y a évidemment énormément augmenté le budget de ces États, donc leur capacité de cooptation, leur développement économique. Donc c'est pas une période d'instabilité. Les périodes d'instabilité dans ces pays, c'est sous les Britanniques en fait. Hein. C'est les transitions économiques difficiles, le passage finalement d'une économie qui tournait autour du commerce des perles, hein, de la perle naturelle, qui a périclité à la fin des années 30 suite à l'arrivée de la perle de culture japonaise. Donc cette période, les années 30, les années 40, la mise en place de l'industrie pétrolière, ça, ce sont des périodes d'instabilité. On a vu des mouvements de contestation qui ont beaucoup émané, en effet, des ouvriers de l'industrie pétrolière, mais aussi des oligarchies marchandes, donc des familles de marchands dont les intérêts économiques étaient très très affaiblis par la crise de la culture de la perle, qui ne s'y retrouvaient pas dans ce développement de l'industrie pétrolière, qui se faisait un peu à part de leurs activités traditionnelles à eux. Donc cette période a été une période difficile, notamment parce que les nationaux qui donc espéraient en fait travailler dans cette nouvelle industrie pétrolière qui allait fournir des emplois qui n'étaient plus fournis par cette économie perlière qui avait complètement périclité, se sont retrouvés dans ces compagnies pétrolières tout au bas de l'échelle des salaires parce qu'ils n'étaient pas qualifiés tout simplement. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre qualifiée sur place. Donc la majorité des employés des compagnies pétrolières étaient alors soit des Occidentaux, soit des Indiens, soit des Arabes venus d'autres zones du monde arabe où on exploitait déjà le pétrole, hein, l'Irak par exemple. exemple, ou bien des pays du monde arabe où il y avait déjà un système d'enseignement moderne qui permettait d'avoir une main d'œuvre qui était qualifiée pour le travail bureaucratique, par exemple, hein, c'est le cas du Liban, la Palestine aussi. Donc finalement, des conflits liés au sentiment que les nationaux avaient de pas bénéficier de manière privilégiée du développement de l'industrie pétrolière, d'où l'émergence de ces mouvements de contestation, de ces syndicats qui demandaient quand même, une de leurs principales revendications, c'était que les nationaux soient privilégiés dans l'emploi dans les compagnies pétrolières. Et ça a pris, on va dire, 10-20 ans pour que les compagnies pétrolières forment finalement les nationaux et qu'ils puissent gravir les échelons de la hiérarchie dans ces compagnies pétrolières et arriver voilà, aux postes les mieux rémunérés et les plus qualifiés. Une autre séquence que l'on connaît mal, Laurence Louer, et qui s'adosse forcément au moment où le boom pétrolier pour eux et la crise pour nous, donc au moment où les fonds arrivent de manière gigantesque sur place, est cette mécanique, apparemment dans plusieurs pays, de la redistribution. Est-ce que ce sont des mécaniques qui vont être rapidement mises en place? Est-ce qu'elles sont mises en place au moment justement de l'énorme afflux financier? Est-ce qu'il y a des étapes là-dedans? Est-ce qu'il serait possible de les rappeler? C'est quelque chose qui n'est pas connu. En fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recherche actuellement qui nous explique, et pourtant c'est fondamental, l'origine de ces politiques de redistribution. Les modèles desquels elles se sont inspirées, si elles se sont inspirées éventuellement de modèles. Parce qu'on a affaire à de l'économie sociale. Mais bien sûr, tout à fait. Hein, et c'est une période tout à fait charnière dans l'histoire de ces pays. Et on ne sait pas, on n'a pas d'études qui nous expliquent comment ça s'est passé dans le détail, si vous voulez. Donc on n'a que des hypothèses, si vous voulez, et il nous manque vraiment un travail, notamment sur les archives de ces bureaucraties, qui nous permettrait certainement de retracer l'histoire de la décision politique, de la prise de décision, notamment une décision qui me semble, moi, fondamentale, qui est, et qui, à mon sens, hein, mais c'est une hypothèse qui doit être vérifiée encore, cette politique publique qui a consisté à segmenter le marché du travail entre nationaux et expatriés, donc à réserver le travail dans le secteur public plutôt aux nationaux, tandis que tous les emplois du secteur privé l'économie pétrolière a généré beaucoup, beaucoup d'emplois dans le secteur privé, hein, qui ont été occupés majoritairement par des expatriés. Donc, les sources de cette politique, les sources historiques, les racines historiques ne sont pas étudiées jusqu'à aujourd'hui. Mais vous avez parlé quand même d'hypothèses. Est-ce qu'on peut avoir juste les couleurs des hypothèses avant d'avoir le... Oui, alors moi, je pense que ces politiques de segmentation du marché du travail sont liées au fait que les régimes ont voulu protéger les nationaux de la concurrence des travailleurs expatriés, hein, qui s'exerçaient dans le secteur pétrolier. Hein. Donc, comme je viens de l'expliquer, les compagnies pétrolières ont recruté spontanément des expatriés plutôt que des nationaux, parce que les nationaux n'étaient pas formés, il n'y avait pas de main-d'œuvre industrielle avant l'exploitation du pétrole. Et pour cause. Et pour cause, puisqu'il n'y avait pas d'industrie. Et donc, très certainement, à la faveur de l'augmentation faramineuse des revenus du pétrole dans les années 70, les États ont finalement accédé aux demandes des nationaux de protéger, grosso modo, les nationaux de la concurrence des expatriés. Et le moyen que les États ont trouvé, c'est de créer un secteur public hypertrophié, hein, en mettant en place une politique, on va dire, d'emploi garanti, surtout pour les diplômés. C'est-à-dire que les diplômés du secondaire et puis de universitaire, évidemment, avaient un emploi dans le secteur public qui était garanti. Au Koweït, c'est même inscrit dans la Constitution que l'État doit donner un emploi aux Koweïtiens. Et dans les autres États, c'est implicite, si vous voulez. Les rédacteurs de ces constitutions? Alors, tous ces pays n'ont pas de constitution, hein. Au Koweït, au Bahreïn, il y a des constitutions qui ont été votées par les parlements, d'ailleurs. À l'époque britannique? Après l'époque britannique, après l'indépendance. Les parlements sont été créés après les indépendances, oui. Laurence Louer a donc ouvert notre semaine. S'il n'était pas là directement question d'Iran, il en sera question demain, en compagnie du chercheur Thierry Coville. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et David Golan. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch.